sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est à présent 21h12. Nous sommes le vendredi 18 février 2011. Et c'est Nuisance. Une émission donc spéciale tradition. La première des traditions exploitées est celle de la recherche d'emploi. Avec donc une prospection emploitive, employons-nous à chercher un emploi, communément appelé boulot, ou pour certains, job. Grâce à des organismes... Vous êtes à la recherche d'un emploi, Pôle emploi vous accompagne. Fonctionnels, des organismes fonctionnels, nous allons donc rechercher un emploi ensemble. Cherche sur internet, gagner du temps grâce au 3949, trouver un emploi en alternance, 60 secondes Pôle emploi. Vous simplifiez le travail tous les jours sur cette antenne avec Pôle emploi. Donc pour commencer ce jour, nous allons suivre un jingle faramineux, un jingle donc de Pôle emploi. Donc une bande annonce donc de la semaine 2. Voilà, donc dont la semaine 2 en accéléré. Découvrez comment bénéficier de formation ou d'aide au retour à l'emploi. Chef d'entreprise, recrutez rapidement et efficacement. Que vous soyez demandeur d'emploi ou recruteur, Pôle emploi vous simplifie le travail. 60 secondes Pôle emploi vous explique comment chaque jour sur cette antenne. Vous entendez donc une bande annonce de la semaine 2. Nous allons passer à la semaine 3 à présent, donc un grand retour en force du Pôle emploi en semaine 3. Nous avons noté une recrudescence de chômeurs. Vive le Pôle emploi. Vous souhaitez embaucher, diversifier les profils que vous recrutez? Vous avez besoin de conseils RH sur mesure? Retrouvez les témoignages et les expériences des entreprises qui font déjà confiance à Pôle emploi. Chaque jour, 60 secondes Pôle emploi vous simplifie le travail avec Pôle emploi. Donc vive Pôle emploi. Pôle emploi, c'est de la balle. Nous sommes donc des pôles employés ce soir. Émission Nuisance, donc une émission dédiée au sens nuisible. Celui donc communément appelé recherche de taf. Vous recherchez un emploi, vous souhaitez recruter, Pôle emploi est là pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous accompagner. Donc accompagnons le Pôle emploi dans sa recherche d'un boulot. Le Pôle emploi recherche un taf actuellement. Trouvons-lui donc un taf au Pôle emploi pour qu'il nous accompagne dans notre recherche d'emploi. Cherchons du taf, donc démissionnons de tous nos tafs pour recrudescence de chômeurs. Accompagner. Pour donc s'accompagner vers une recrudescence totale. N'oublions pas le Pôle emploi. Nous allons passer peut-être à la semaine 5. Ah non, le 3995, le numéro court pour les entreprises. Donc chers entrepreneurs, nuisez-vous les uns les autres. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Pôle emploi vient de lancer le 3995, un numéro unique dédié aux employeurs. Joseph Tua, bonjour. Vous êtes conseiller entreprise à Pôle emploi, Pôle emploi. Quel service propose le 3995, Cela va du dépôt d'offres au conseil, notamment pour les petites entreprises qui ne sont pas dotées d'un service RH. Donc les services RH, donc service Rhesus, ça vous dit si vous êtes consanguin ou pas. Identifiez-vous ou pas. Vous êtes libre donc de vous identifier ou pas au Rhesus négatif qui est la consanguinité. L'offre est immédiatement diffusée sur le site pôle-emploi.fr. Ceci est un souffle. Notez la respiration saccadée, la recrudescence. les demandeurs d'emploi peuvent se positionner spontanément et les conseillers font une recherche de candidats. Ils mettent une recherche de candidats. Ils mettent une recherche de candidats. Ils mettent une recherche de candidats. Ils mettent une recherche de candidats. Fréquemment posé par les entreprises. Blablabla, blablabla, bla. Merci le Pôle emploi pour ce blabla. Nous remercions également les 60 minutes pour l'emploi, la série spéciale du 19-4-2010 au 14-5-2010, donc l'année dernière. C'est un vieux truc que je vous sors de derrière les fagots, une collection bien à moi, trouver un emploi en alternance. Donc je vais actuellement appuyer sur le bouton de trouver un emploi en alternance. Fuyons, fuyons, vite. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. 60 secondes pour l'emploi avec... C'est donc du caca. Le Pôle emploi le dit. La vie, c'est du caca. Tiens, dans la tête, du caca de Pôle emploi. Une horreur figurative d'un exemplaire en émoi, celui d'un arrêt total sur l'image. De travailler avec Pôle emploi. Pôle emploi, un excellent job de Pôle emploi nous permet de nous accompagner sur tous nos recrutements. Merci. Par une horreur ineffable dans cette émission Nuisance spéciale merde. Et la spéciale dope du jour. Donc dope impressionnante. Une horreur immonde, sûrement un tas, un énorme tas. Imaginons le pire. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Gagner. Placement, c'est... Psy, poulant. 15. Fil au 39. Pauline, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé votre premier contact avec Pôle emploi ? Va te faire, enculé, gros bâtard. C'est qui est le numéro unique pour toutes toi les aussi. Démarches de demandeur d'emploi. Va te faire. Toutes les démarches nécessaires à mon inscription et mon dossier. Oui, moi aussi. Mon inscription au Pôle emploi. Vous, avec un conseil. Vous, eh bien vous, allez vous faire. Puis ma situation tous les mois. Pas... Ma situation tous les mois, à chier. On est pris en charge directement. Allez vous faire, enculé. En résumé... Ça m'a fait chier. Grave. De pas trop. Alors cassez-vous. Rassurez. Merci Caroline. De pour rien, connard. Vous êtes donc sur une radio libre, s'il en est une, sur Terre. La seule radio où on peut dire aller vous faire foutre à personne, qu'à soi-même, face au mur. La mûreté donc de la pêche endiboisée dans une diabolique empassionnement de nous autres, blablabla. Un blabla toujours recouvert. Couvert donc de bruit et de stupre. Ça va l'arsener, oui, ça va l'arsener. Je l'espère en tout cas. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à l'arsener aujourd'hui. Quel daube je fais. Voilà, on y est. Ça y est, le larsen est prêt. Et fin. Ces basses, ces satanées basses. Plutôt crever que d'entendre encore des basses dans la gueule. Ta gueule, arrête de faire de la merde. Crève, le moignon purulent du nez qui coule, le sang pour son sang, le sang de l'ocre jaune, doré, pourri par le temps et l'oxygène. Respirez, respirez qui disait. Pôle emploi. Pour la recherche d'emploi, Internet est un outil simple, rapide et efficace. Rémi, bonjour. Bonjour. Vous êtes demandeur d'emploi. Bonjour, Rémi. Comment utilisez-vous le site pôle-emploi.fr pour vos recherches ? Bah, ma principale utilisation, c'est la consultation des annonces. Ben. J'ai créé une alerte avec plusieurs critères d'emploi qui correspondent à mes différentes qualifications. Et je reçois régulièrement en fait, des nouvelles offres qui me correspondent. Ensuite, Internet, pour moi, c'est un réflexe. Donc j'ai tout de suite créé mon espace personnel. Quel des offres d'emploi. Mon espace personnel. Des offres d'emploi qui sont disponibles à un instant T. Merci Rémi. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi. Notre mission, vous simplifier demain. Le travail. Chouette, on va encore écouter un sketch. Un sketch du Pôle emploi. Cette fois, ça va être des ateliers pratiques pour trouver un emploi. Donc, numéro 9. Si vous aimez le numéro 9, votez 9 en appelant le 05 61 53 36 95 et cliquez étoile dièse WZIEH VIH positif positif résus négatif consanguinité 39 95 trouver un emploi en alternance 39 49 le numéro court pour les demandeurs d'emploi et puis votez le 9 des ateliers pratiques pour trouver un emploi. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Pour être plus efficace dans... Pour être plus efficace dans sa recherche d'emploi, les agences Pôle emploi proposent des ateliers pratiques. Guillaume Caes, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur d'équipe à l'agence Pôle emploi de Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous allons donc parler de Sainte-Geneviève-des-Bois. C'était une sainte, elle s'appelait Geneviève et elle vivait dans les bois. Et elle buvait beaucoup d'eau. De l'eau fraîche qui coulait de la source féodale, la source pure immaculée du sang, le 100% pur porc, dans le saucisson sec, Leader Price. Saint-Geneviève du Bois, ou des Bois, appelée également la Sainte Mégère des Apprivoisés, diabolique in diabolis musicum, trouver pour l'emploi un emploi est difficile, entre guillemets, la putride. Nous sommes toujours avec des absences. Beaucoup, beaucoup d'absence. Sainte-Geneviève-des-Bois. Quels sont les thèmes d'atelier proposés? Alors, les thèmes sont vastes, hein. Ça va du CV, organiser sa recherche d'emploi, préparer un entretien. Et nous avons des ateliers plus spécifiques, notamment l'entretien par simulation et le job dating. Et ces ateliers sont animés par un conseiller pour l'emploi? Les atouts de ces ateliers, c'est justement d'avoir en une demi-journée un conseiller qui est présent et qui va pouvoir apporter des réponses aux questions posées. Et comment peut-on s'inscrire? La personne peut se rapprocher soit de son conseiller ou soit de son agence Pôle emploi pour savoir quel thème lui correspondra le mieux. Guillaume Caes, merci. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr ou dans votre agence auprès de votre conseiller. À bientôt. Pôle emploi, notre mission, vous simplifier le travail. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Pour trouver plus rapidement un travail, il faut parfois adapter ses compétences avec une formation. Sandrine Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère à Pôle emploi. Alors dites-moi, quelles sont les solutions pour booster ses recherches? Alors, les solutions peuvent être nombreuses. Une importante est effectivement la formation, qui peut être un formidable levier pour élargir ses recherches ou se réorienter sur un secteur qui recrute. Des formations courtes peuvent permettre un réel retour à l'emploi. Mais quel est le rôle des conseillers? Alors, notre rôle en tant que conseiller de Pôle emploi, c'est d'accompagner la personne une fois la formation trouvée, de l'aider à monter le dossier, de trouver le meilleur mode de financement possible et surtout de valider avec lui que c'est le bon projet. Merci Sandrine. Pour plus d'informations et définir votre projet de formation, rendez-vous dans votre agence Pôle emploi. À bientôt. Pôle emploi, notre mission, vous simplifier le travail. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Déplacement, garde d'enfants, formation, il existe de nombreuses aides pour faciliter votre reprise d'emploi. Fabrice Gossens, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'agence Pôle emploi de Colombes. Quelles aides pouvez-vous apporter aux demandeurs d'emploi? Dans le cadre de l'aide à la mobilité, nous avons des bons de transport, des aides de déplacement. Et puis nous avons aussi des aides pour les personnes qui sont en difficulté de garde d'enfants. Pôle emploi finance aussi des actions de formation qui sont proposées aux demandeurs d'emploi en fonction de leur projet professionnel. Et puis nous avons aussi des aides à l'embauche directe, que sont des aides financières que l'on va apporter aux entreprises. Et ces aides, il faut les demander? C'est le résultat d'un besoin exprimé par le demandeur d'emploi ou diagnostiqué par le conseiller. Et donc c'est à chaque fois véritablement un diagnostic partagé. Merci Fabrice Gossens. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi, notre mission, vous simplifier le travail. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Chaque recrutement est un enjeu important, quelle que soit l'entreprise, et tous les recrutements sont différents. Serge Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service client de Pôle emploi. Alors comment faites-vous pour satisfaire toutes ces demandes? Nous sommes capables de répondre à tout type de recrutement et à tout type de besoin d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Nous avons une offre de service complète qui va de la définition du poste à l'intégration de son salarié en passant par la présélection de candidats. On est capable de travailler sur du sur-mesure.

Luc Deroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable RH pour la branche Veolia Transport dans les Yvelines. Comment vous tenez-vous informé des aides dont vous pouvez bénéficier? Nous nous retrouvons sur les dispositifs d'aide à l'embauche grâce aux conseillers, c'est-à-dire qu'on a une connaissance générale des dispositifs emploi. Maintenant, nous avons souvent besoin de conseils sur mesure, c'est-à-dire que les conseillers vont intervenir sur les dispositifs d'aide à l'embauche qui sont les plus adaptés à nos recrutements. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, les conseillers Pôle emploi connaissent nos métiers et dans ce cadre-là, les conseillers vont nous indiquer les dispositifs qui peuvent permettre de faciliter l'accompagnement des demandeurs d'emploi jusqu'à notre recrutement sur l'emploi durable. Luc Deroche, merci. Rappelons que les dispositifs d'aide à l'embauche concernent toutes les entreprises, de la TPME au grand groupe. À demain. Pôle emploi. On va tous crever. Vous simplifiez le travail. 60 secondes pour l'emploi, 1 seconde pour l'emploi, avec Pôle emploi. Marina Lemaître, bonjour. En dessous, à sa délégué. Le pas pour être faire. À demain. Pôle emploi. Notre mission, vous simplifier le travail. 60 secondes pour l'emploi, avec Pôle emploi. Pour mener sa politique RH axée sur la diversité, le groupe Accor utilise la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. Bruno Croiset, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable emploi au sein du CFER. À demain. Pôle emploi. Notre mission, vous simplifier le travail. 60 secondes pour l'emploi, avec Pôle emploi. Pour mener sa politique RH axée sur la diversité, le groupe Accor utilise la méthode de recrutement simulons donc le recrutement chez Pôle emploi et inscrivons-nous tous sur pôleemploi.fr pour simuler une recherche d'emploi. Voilà, donc on simule donc une recherche d'emploi réelle par Par simulation de Pôle emploi. Bruno Croiset, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable emploi au sein du emploi, groupe Accor. Que vous apporte cette méthode innovante? Vous apporte cette méthode innovante? Bah, d'une manière générale, notre politique RH est vraiment basée sur les critères de personnalité, de motivation, mais pas forcément de diplôme. Et la méthode de recrutement par simulation nous permet de recruter avec beaucoup de diversité. Ça se passe comment concrètement? C'est vraiment du sur-mesure. Les conseillers Pôle emploi viennent dans l'entreprise, étudient nos métiers, et Pôle emploi va nous proposer des tests ludiques, et ensuite accompagne jusqu'au recrutement les futurs collaborateurs. Des fûts de bière. Dans la conception du test, dans la mise en œuvre, le sourcing et puis dans la présentation des demandeurs d'emploi qui sont totalement prêts à intégrer nos exploitations sur le métier choisi. Merci Bruno Croiset. Doser savamment. Vous êtes en train d'écouter une spéciale Pôle emploi doublée d'une spéciale nous. Et Nuisance, donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission qui nuit à tous les sens, et notamment au sens radiophonique du terme, aux oreilles. Donc les oreilles, vous vous reconnaissez, on vous nuit. Bien fait pour votre gueule. Dosez donc savamment la nuisance ce soir, ça risque d'être relativement, comme d'habitude, pénible. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. A bientôt. Pôle emploi. Notre mission, vous simplifier le travail. Le travail. Donc nous allons parler de pénibilité du travail. C'est un enjeu important, quel que soit l'entreprise, et tous les recrutements sont différents. Serge Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service client de Pôle emploi. Alors comment faites-vous pour satisfaire toutes ces demandes ? Nous sommes capables de répondre à tout type de recrutement et à tout type de besoin d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Nous avons une offre de service complète qui va de la définition du poste à l'intégration de son salarié en passant par la présélection de candidats. On est capable de travailler sur du sur-mesure. Le deuxième, c'est entendance accomplie, vous serez dans ceux qui ont été accomplis dans l'entendement du Pôle emploi. Vous êtes bienvenus sur Pôle emploi .fr ou blablabla, tout ça. Donc nous écoutons donc la radio Pôle emploi ce soir sur Nuisance, parce que le chômage s'ennuie et donc nous nuisons aux chômeurs en les faisant culpabiliser de leur chômage. Qui s'adresse à Pôle emploi, plus de 80% d'entre elles. C'est votre faute. Merci, Serge Lemaître. Si vous ne cherchez pas d'emploi, c'est votre faute. Pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi. Suicidez-vous. Notre mission, vous simplifier le travail. Le deuxième atout, elle va avoir en face d'elle. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Chaque année, la SNCF recrute des milliers de personnes pour des postes techniques. Industrielle. Et pour cela, elle fait appel à Pôle emploi. Vincent René, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement à la SNCF. Quel service vous apporte Pôle emploi ? Pôle emploi met à notre disposition une cellule dédiée à la SNCF. Les conseillers connaissent parfaitement nos besoins et les profils que nous recherchons. Ils assurent donc la présélection des dossiers. Ils nous présentent des candidats et nous sommes certains de trouver les profils qui correspondent à nos exigences et à nos besoins. Quels sont pour vous les avantages de Pôle emploi ? Alors, la valeur ajoutée de Pôle emploi, c'est partenariat et proximité. Et ça se traduit dans le quotidien par un exemple tout récent qui est... L'utilisation des compétences de personnes issues de l'industrie automobile. Bill. Donc Bill, de je vois bien ta Bill là-dedans, mais pas ta vanité. Bill. Ça fait des jours que je gerbe, sup de merde, et ça peut pas s'arrêter, ça s'arrêtera jamais. Je rodejane et j'ai envie de gerber, je pisse, je suis rouge et j'ai envie de gerber. Ne rien faire, surtout ne rien faire, de peur, de tout faire de travers. Je t'emmerde, je sais pas, c'est destiné à personne en particulier. Va chier, c'est tout, ne pas s'énerver, surtout. Ne pas éjaculer, surtout ne pas péter, merde, trop tard. Je me sens mieux maintenant, mais j'en ai quand même marre de tout. Mais enfin, bon, tant pis. J'y pense, j'y peux rien de tout, de toute manière. J'aurais préféré un Fat plutôt qu'un Hoffman. Enfin bon, tant pis pour moi. J'ai le désir d'arrêter de fumer. Un peu de LSD m'aidera sûrement. Sûr, le délire mince, fin quoi. Putain, je déprime aujourd'hui. Je sens que ça va empirer jusqu'à demain. Je sais pas pourquoi, je le sens, c'est que. Et ça grave, Pour l'instant, aucun problème. Putain, je suis en train de me dire que ça me fasse rien et ça me déchire. Putain, non. J'ai pas le désir de décliner trop tard. Je sais pas pourquoi, je sens que ça a été encore mieux que je le sens. J'en ai marre. Je me tape la hache-main à chaque fois. J'en ai trop marre. Surtout ne pas péter les plombs. Ne pas en avoir marre. En avoir marre entraîne la surdité, la cécité, la stupidité surtout. Je suis con, j'espère. Assez con pour cette vie dans ce monde. Trop con, trop con. C'est trop trop con. Et ça grave. Et ça c'est grave. Et ça glacé. Et ça grave. Et ça grave. Ça grave. Ça fait très... Ça fait trop longtemps que j'entrope. J'espère que ça va s'améliorer à partir de maintenant. À partir de maintenant, ça va s'améliorer, j'en suis sûr. Pas aussi sûr du fait que ça va empirer, mais bon, mieux vaut tard que jamais, mourir. Non, pas mourir, vivre. Ouais, vivre heureux, à partir de maintenant, à tout jamais, jusqu'à la mort, quoi, et après, à tout jamais. À tous les jamais qu'il y a après la mort. À tous les jamais après la mort qu'il y a, parce qu'il y a la mort, c'est sûr. Allez, Louia. Allez, content qu'il y ait la mort qui tue. Allez, heureux de mourir, en attendant de vivre. Allez, content. Ça y est, ça vient pas. Fausse alerte. Va falloir être patient encore. Comme d'hab. Je me suis fait niquer encore, comme d'hab. Je me fais toujours niquer, j'en ai marre. Faut que ça sorte. Faut que je l'étale en pleine face. Je me fais constamment niquer, profond. Et ça n'en finit jamais. Putain, fais chier, merde. Putain d'automatisme. Putain d'automate. Partout les automates. Non, c'est pas vrai ce que je dis. C'est pas vrai. Personne n'est automate. Personne n'est robotoïde. Personne n'est malheureux comme moi. Bof, al, bof tout le monde. Putain, je déprime grave apparemment. Bof, bof, phob, bof, phob, phob, phob, phob. Ta gueule. Va chier, encule ta mère, une clope, vite. Ah, ça va mieux, enfin non, en fait. Mais c'est pas grave. C'est genre, pense-toi que je t'encule à sec au gravier. Non, ça fait 2 heures, toujours rien. C'est bon, je laisse béton. Je vais me défoncer la gueule au sub. C'est tout, voilà. Je suis comme ça, moi, c'est tout, je suis con. Je me fais niquer de partout, comme une pute, sauf que les putes, elles se font payer. Moi, c'est moi qui paye. Génial, non. Allez, venez tous, entrez libre. Même que je vous paye, faut vous veniez. Génial, super méga tough. Fin du 15-04-2008. 28-4-08. Tu regardes les subs qui te restent. Tu sais pas ce que tu vas devenir. Tu vas sûrement finir Subitox ou Generitox, si c'est pas déjà le cas. Si c'est pas déjà trop tard, les subs te parlent. Ils te disent trop tard, connard. Tu touches le fond, pigeon. T'y arriveras pas. T'as l'arrache-main. T'y es déjà, espèce de serpillère à plat. Non, oui, si, mais non. Qu'avec ces merdes, il reste plus longtemps à tirer. Tu te vois faire le trajet à Esquireux, taper ta boîte de générique. Buprenorphine, c'est ma cousine. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Je m'étonne pas de pas avoir quelqu'un à baiser. Ça m'étonne plus. Comme dans Heureux les étonnés. Vive Jésus-Christ. Il va me sauver de l'escalade à la morphine base. Ouais, bon, j'arrête. En fait, moi, taper du sub, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, c'est pas réel. Autant que je vive à fond la vie de Tox. Demi et tout ça. Et tout cela, ça touche encore? Ben quoi. T'es sûr, moi? Ah, ça oui. Bon, j'en étais à déni et tout ça. Alors, shooter, man. Putain, heureusement que la stérie est payante. Que je sais pas me shooter. Les génériques ça shoot pas, putain, heureux des mains. C'est vrai ça, je suis heureux d'être en manque, de me gratter partout, de faire de la conjonctivite, que les articulations me brûlent, que la vision de moi se trouble, que les gens me rejettent, que j'ai mal partout. Que j'ai envie de gerber, que je pue du cul, et de la gueule. Et v'là que je me plains. Hein, le même j'ai calvé, et v'là que je me plains. Hein, le même j'ai calvé, et v'là que je me plains. Hein, le même j'ai calvé, et v'là que je me plains. Hein, le même je me plains. J'avais qu'à dire non à la drogue. À la drogue, ces enfants. Non, si, mais non, enfin. Quel blasphème à toi, envie, t'as. C'est pas vrai que Dieu dit « Allez-y, droguez-vous ». Même qu'il dit pas ça. Même que ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Ça veut juste dire « Allez-y ». Mais gaffe à pas finir Tox, comme tous les prophètes. C'était tous des Tox à Dieu, genre divini Tox. Non, pas moi, pas ça. La honte. Je veux pas finir comme ça. Quoique, après tout, je suis pas sous Tox. Déni oblige. Tant qu'à faire. Autant ne pas être déni Tox. Déni oblige. Oblige-moi un peu. Délire d'un fatras d'immondice. J'ai bien, même si ça gratte. Faut dire que c'est acceptable. Salut, ça va? Non, je suis en manque d'affection. Ah bon? T'es tox toi ou quoi? Ben ouais, suivant. C'est quoi l'OD d'affection? C'est genre tu trembles, tu sues, tu pues, tu te laves plus. Ou même tu te laves trop. Pour les attirer dans ta toile. Et tu pues le CK1 ou le brut, genre par exemple brut de pomme, quelque chose comme ça. Allez, va chier. Je serai jamais un tox d'affection. Je préfère encore crever, bon d'accord. Ben shoot-toi de la cam alors. Et rigole pas, c'est du sérieux. Je suis pas accro à la folie amoureuse ni à la baise. Pourquoi baiser quand on a le produit? C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Pas tout, je suis dans le déni, je crois pas. Fin du 28-04-08. 4-08. Je m'entraîne à être dépouille, tout le temps dépouille, tous les jours, à chaque instant, défoncé. Il me manque que le fric, mais c'est pas grave, non c'est pas grave, après tout, tout ce qu'il faut. Faux, c'est une ordo. Ou deux, ou trois. Et des gens qu'on connaît. Pas des amis, y a pas vraiment d'amis dans ce milieu. Bam, fusillé. Encore à tout mélanger, du début à la fin. J'entends plus rien. Je note des trucs dans un cahier brouillon. Brouillon comme moi. Et défoncé comme toi, moi. Oui, je t'écris pour te dire que tu me saoules, toi, moi. C'est toi le moi, déchiré, je suis déchiré. Et ça va continuer à se mélanger dans la tête, sur la page, dans la phrase, dans le paragraphe, dans le sens, dans tes yeux. Déchiré, en deux, trois. Quatre, cinq même. Quel con de dire des choses pareilles. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de malheur sur Terre. Je me dépouille par exemple fracassé, comme déchiqueté, souffrant, malade. Je suis fou de m'en mettre plein la tête. Comme ça, comme si et comme ça. Maintenant, je me sens mal. Et tout à l'heure, ça allait, bien même. Mais maintenant, je suis à l'ouest. Total western, c'est la totale. Non seulement je suis déchiré, mais en plus je me sens mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait ça? Comme si j'étais pas déjà assez malade. T'as une sale gueule, toi. Tout mou, tout difforme. J'ai mal aux gencives. Total déprime. Pourtant t'étais bien avant. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis trop con. J'aurais voulu être un génie. C'est pour ça que je me défonce. Pour être génial. Mais bien sûr, ça aide pas d'être. Plutôt relativement à peu près pas trop. Mais quand même sincèrement con. Disons que si t'étais un génie, tu serais con, défoncé. Mais alors d'être con, normal, alors tu comprends. Fracassé, tu l'es carrément. Con, je veux dire. Pourtant c'est un bon message que j'ai. C'est un message de fratrie, pas un message d'exclusion ou quoi. Mais alors dépouillé, ça devient décousu et carrément débile, comme histoire. Et en plus, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Si, je voulais dire non, je me sens plus. Ça part. Et ça revient. C'est galère. Et en plus, et en plus. Je deviens paresseux. Ah. Si, je me souviens encore. Je voulais te dire de pas faire comme moi. Parce que je viens de claquer. De pas faire comme moi, tiens, ça va pas plus loin que ça. Tu sniffes, tu sens, tu gerbes, et voilà, basta, c'est tout ce qu'il y a. Et l'on rate tout ce qu'on entreprend, pas qu'on entreprenne grand chose, à part se mettre encore un peu plus la tête, difforme, comme je disais, et ça flash dans les yeux fermés, blanc et bleu, ou rouge, je crois. Mise à l'envers du son pour phénomène sataniste de sublimation de compréhension. Vous avez donc compris que la vie c'est de la merde et que vous allez tous crever, ne l'oubliez donc pas, il est 22h moins 2, j'ai raté l'annonce censure de 2 minutes, j'espère que je ne vais pas me faire censurer à partir de maintenant, que les gens ne vont pas débarquer dans la radio et me suicider, ce serait vraiment trop con. Notebook 108. C'est après la veille que je me suis décidé à parler de l'aveu que je vais te faire. Je t'encule, tu pues du cul, salope. Merde quoi, qu'est-ce que tu crois? Que je vais fermer ma gueule tout du long couché dans la fange de merde qui me trouve le cul, sale bourge, sale merde. Enfin, quoi donc, la merde au cul? Tu pues? Ouais. Non mais si seulement t'avais de quoi payer un futal ou un sale blouson sale métèque de merde puante. Espèce de con, tout dégoulinant de cyprine, de jute, de foutre incolore, radioactif. Pas normal de se laisser faire comme ça, tant que ça passe, passe, passe la capote, que je la craque en t'enculant putain. Si seulement je pouvais t'enculer le foutre dieu, de merde seulement, si je pouvais te baiser le cul. colle néoprène contact. T'es con, mais t'as du tact. Donne-moi du fric, s'il te plaît. Finalement, y'a que la thune qui me rend normal. Non, des conneries tout ça. Je suis parano, c'est tout. Remarque, à force de prendre des trucs à tout bout le champ, ça m'étonne pas. Tout gâché encore une fois. Une fois, j'ai même un gâteau cuit à la broche, mais je vais pas aller à Rodez. Est-ce prêt pour ça? Je préfère rester dans mon coin, à paranoïer, à psychoter. Ça tourne et ça s'arrête pas. C'est ça que j'aime bien finalement. Je veux souffrir. Enfin, ça me rapproche de la roche de la mort. Oh, mal genre, me rapproche de la mort. Et je kiffe la mort. C'est la libération. Le putain de nirvana. Je ne pense même plus à mes complexes. De ce être heureux de ça. Alors je me tue un peu plus. Chaque jour qui passe est comme une chandelle qu'on tient, allumée dans le vent, alors qu'elle nous fond sur les mains. Alors qu'elle nous brûle les doigts, on la tient encore, sachant que c'est peut-être la dernière. En espérant que ce soit la dernière, mais en sachant pertinemment bien qu'il y en aura d'autres. Putain, ça craint. Ça fait chier. Ça n'en finit pas de faire chier, et en plus, on se fait chier. Malgré le fait qu'on se brûle en paranoïant et psychotant, on se fait chier, grave quand même, quand bien même on se suffirait à soi-même. Je vomis la tiédeur, environ 37 degrés Celsius. C'est tiède ça, 37 degrés Celsius? Et c'est ce que je vomis, du 37 degrés Celsius. Ça commence par être solide. Ensuite, ça devient liquide et jaune. Pour finir, c'est pâteux et noir. L'horreur, quoi. Et ça pue, c'est à gerber. C'est le cas de le dire, à gerber. C'est dégueulasse. Ça a un goût de chiotte. Parce que je te goûte, moi, ça. On m'a pissé. Ou ma pisse. Quoique, je m'en souviens plus. C'est le genre de souvenir que je refoule automatiquement. Automatique refoulement. Genre déni. Et tout le bordel. Et tout ce bordel. Ah putain de merde. À chier. Genre dégueu, tu vois pas ce que je veux dire? Bon, c'est un goût de café trop fort. Lyophilisé ou soluble en poudre de café. Lyophilisé ou soluble. En poudre, etc. Je suis trop paresseux pour éviter la parano et la psychote. Vous êtes donc à l'écoute des ondes radio-hertziennes dans l'environ de Toulouse de Canal Sud ou sur le canalsud.net sur le web, excusez les sons gutturaux qui s'échappent de ma bouche. C'est absolument non professionnel de ma part, je me flagellerai en privé pour vous ce soir. Encore un CD de quelque chose qui risque de vous faire mal au tympan. Donc ne vous approchez pas des enceintes. Non, ne vous approchez pas des enceintes, c'est interdit. Et donc si j'ai bien compris l'histoire qu'on m'a racontée depuis que je suis gamin, vous allez donc vous rapprocher des enceintes parce que quand c'est interdit, on le fait. Allez, du son, du beau son, le son le plus beau qui existe sur Terre, le son qui tue l'esprit. Couplé de sons qui ne tuent pas l'esprit, mais qui pourraient tuer l'esprit si on s'y appliquait peut-être un peu plus à tuer, donc à tuer, oui, à éliminer toute forme, oui, j'ai bien dit, de spirituel en nous. Donc ne plus rire, ne plus sourire, mourir, crever, la putréfaction, l'horreur, toujours sacré horreur, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré. Allez, ciao. Enfin non, pas ciao, pas encore. Thank you. la découverte donc d'une nouvelle horreur, celle de l'existence. Oui. Alors qu'allons-nous en faire, à part la couper ? Rien. J'ai oublié de vous dire que vous écoutiez l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas ? Nuisons, ensemble, à la sainte, sacro-sainte vie, notre vie, l'humanité tout entière mérite de mourir, nous méritons enfin quelque chose. La mort que nous avons, donc nous pouvons être sûrs d'avoir ce que nous méritons. Enfin, grâce à moi, oui, l'ultime moi, le Seigneur Tout-Puissant, putain, ça blaire. Et je veux dire, ça pète dans les oreilles, quoi. Faut arrêter cet enfer. Vite, avant que je devienne complètement sourd. Quoi, qu'est-ce que t'as dit ? Tu m'as parlé ? Oh merde, je n'entends absolument plus rien. Comment vais-je faire pour survivre sans mon ouïe ? Je ne sais pas. Je vais devoir respirer à travers mon cul. Toujours un bordel infernal dans cette émission, à quand la mort de ce putain d'animateur de merde ? fatras innommables. Donc une émission à vocation brutiste, s'il en est, et à vocation blablabla. N'oublions pas la dépression, la fameuse maladie humaine. Gloire à la dépression. Nous allons tous mourir. Enfin. Bon, il est 22h19, ça fait à peu près 1h et... je dirais 17 minutes, donc non, 1 heure et 7 minutes, pardon, que l'émission tourne. Et je vous préviens qu'elle va arriver à sa fin, à son terme, car je ne suis pas en épuisement de bande, bien au contraire, j'ai plein de bandes à vous passer, mais je ne les passerai pas, donc par refus abstinent, donc de vous les passer. Au contraire, je vais vous passer des bandes préprogrammées, non vivantes, et donc totalement machinales, al comme machinal, machinal, al, c'est moi. Spitting holes in the spittoon as usual. La compréhension est totale. Je répète, l'incompréhension est totale. Je vous rappelle donc l'état de folie permanente du participant. Participer de lettre T. Nuisance est en train d'arriver à son terme. Pour aujourd'hui, je veux dire, tout compris, les frais d'électricité et la charge malheureusement impayée. Je m'en excuse auprès de la radio. Pour l'instant, ce n'est pas géré, mais ce sera géré bientôt. Pour ce qui est de la technique, elle est toujours aussi mal gérée, celle-ci, mais gérée quand même. Donc on ne peut pas reprocher au producteur, réalisateur, directeur, président de l'émission, donc Nuisance, animateur et présentateur, vedette, blablabla. Je vous laisse, pardon, je me suis trompé de bouton, je vous laisse avec donc une pré-programmation de la radio Canal Sud 92.2 FM, dont je suis associativement membre, et tant d'autres, et qui sont donc des émissions de qualité, et je ne ferai pas blablabla pour changer, car c'est pour une fois vrai ce que je dis. Je vous laisse sur ce. On se retrouve vendredi prochain de 21h à 23h, heure locale, ou sur le web canalsud.net. J'ai dit 92.2 FM MHz dans les environs de Toulouse. Je vous le dis maintenant, c'est dit. Allez, ciao ciao. You wanna judge your eight albums, motherfucker? KHL.